Alors maintenant, on change les horaires des émissions comme ça. Puis bah moi, ça me met dans la panette parce que le soir à 17h, bah c'est le marché à la ferme. Du coup, mon petit plaisir estival, pof, ça l'attrape. Pas content, pas content. Ne l'appelez plus France Inter. C'est n'importe quoi. Faut que je recommence. Je vais faire un nouveau message. Hello people. L'AFS, l'anglais avec Frédéric Sigrist, association loi 1901, rouvre ses portes. Tu es anglophile? Tu es blockbusterophile? Tu es sigristophile? Rejoins-nous, on a des figolus. Ne l'appelez plus France Inter, blockbuster l'a éliminé. Ne l'appelez plus France Inter, nous on veut l'émission Sardou. Bisous. Blockbuster, you are back. Frédéric, you are back. Mon été est sauvé grâce à vous tous. Bravo à vous. Bon, bah alors c'est clair, c'est toujours autant trop court. C'est toujours autant trop court. Ça fait du bien cette émission, c'est l'été, ça arrive et tout. Et c'est trop court. Oui, Frédéric, mais quel plaisir de vous retrouver. Eh ben, quel plaisir d'écouter La Planète des Singes, cette émission. Et aujourd'hui, on va écouter du Nirvana. Oui, je bruite aussi à la bouche les intros de Nirvana. Tan-nan-nan. Toute l'équipe de Culture Sauvage te souhaite une émission nirvanesque bien sauvage. Frédéric, tu es le meilleur. To be or not to be, not to be. Je sais pas vous, mais moi, j'ai du mal à relativiser. Quand j'ai un problème, ça m'a jamais aidé que quelqu'un me dise « Ah, tu sais Fred, il y a des gens qui ont des plus gros soucis que les tiens. » En fait, la personne qui te dit ça, elle veut pas t'aider, elle veut juste que tu te taises. Relativiser, ça sert à rien. Si tu te cognes le petit orteil sur un coin de table, t'as beau te dire qu'il existe des cul-de-jatte, t'as toujours aussi mal. La douleur des autres, pour moi, c'est comme le wifi du voisin. Tu peux le capter, mais si t'as pas le mot de passe, ça te sert à rien. Parce qu'en définitive, on est toujours l'unique passager de son propre corps. Prenez François Fillon. Lorsqu'il dit que la justice le persécute, eh bien, il est sincère. François Fillon, il peut totalement entendre un réfugié victime de persécution politique dans son pays et se dire « bah, c'est comme moi ». Il y a la douleur réelle et la douleur ressentie. Fillon condamné, en douleur réelle, c'est du 2. Mais en douleur ressentie pour lui, c'est du 9-10. Alors ça peut faire sourire, mais voilà, on n'est pas à sa place. Peut-être que François Fillon, il est parti tellement loin dans sa tête qu'il se rend réellement plus compte que 3600 balles nettes de salaire pour ouvrir des enveloppes, c'est un peu beaucoup. Avoir le sens de la mesure, c'est pas donné à tout le monde. Je connais des hommes convaincus que 12 cm, c'est très grand. Tout ça pour dire qu'à part si t'as un tir de LBD, c'est très très dur de rentrer dans la tête des gens. Regardez Kurt Cobain. Il avait un talent monstre, un charme fou et un succès de dingue. Et pourtant, il a mis fin à ses jours. Moralité, que vous soyez François Fillon ou Kurt Cobain, personne ne saura jamais vraiment ce que vous avez dans la tête. France Inter, Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. Au début des années 90, apparaît sur les écrans de MTV un groupe de rock qui n'a pourtant pas grand-chose à voir avec la sobriété du Bouddha, Nirvana. Ce trio, porté par le charismatique Kurt Cobain, avec sa voix éraillée, ses riffs de guitare âpres et ses textes désespérés qui feraient passer Welbeck pour un animateur Club Med, deviendra aux yeux du grand public le représentant d'un style inventé par des groupes tels que Pearl Jam, Soundgarden ou Alice in Chains, le grunge. En 3 albums, des lives ou autant de compilations, Nirvana est entré dans la légende du rock avec plus de 75 millions d'albums vendus. Pourtant, le 5 avril 1994, malgré un succès indéniable, Kurt Cobain se donne la mort. Pour mieux comprendre la trajectoire fulgurante de ce groupe d'écorché vif, j'ai avec moi Isabelle Chalet. Bonjour. Bonjour. Isabelle, vous êtes journaliste pour Rock and Folk. Absolument. Auteur du dictionnaire des chansons de Nirvana, publié aux éditions Tournon en 2005. Et oui, ça commence à dater. Oui, mais c'est toujours d'actualité. Carrément. Avec nous également l'UJPK, bonjour. Enchanté. Vous êtes rappeur, issu du collectif Columbine, et vous développez maintenant des projets en solo, notamment votre EP, Luigi, qui est sorti en mai dernier et a fait une belle entrée en se retrouvant deuxième des ventes à sa sortie. Et vous serez en tournée dans toute la France dès septembre 2020, notamment à Paris, à l'Élysée-Montmartre, le 27 octobre prochain. C'est ça, si le Covid le permet. Je croise les doigts. Laurence Romance, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, traductrice du journal de Kurt Cobain et vous êtes aussi traductrice de l'ouvrage Charles Manson par lui-même, paru aux éditions Séguier. C'est ça. Et enfin, last but not least, là il y a tous mes fans de mon anglais qui sont en train de se régaler. L'humoriste Dedo. Voilà, je vais dire tu parce que je pense que tout le monde a compris qu'on était potes. Donc tu tournes ton troisième spectacle en rodage un peu partout en France et ton deuxième spectacle Killing Joke est disponible sur ta chaîne YouTube. C'est vrai, tout est vrai. Voilà, et pour les dates de tournée, tout sera sur le site de Blockbuster. Ah, génial. Ensemble, on va retracer le parcours de Nirvana, la formation du groupe et le destin singulier de son chanteur, Kurt Cobain. Et on verra que si ses chansons n'ont rien perdu de leur force, sa lecture du monde, son spleen et ses convictions, elles aussi sont encore terriblement d'actualité. Allez, Blockbuster spécial Nirvana, spécial Nirvana, je le refais. Blockbuster spécial Nirvana, maintenant, tout de suite, c'est parti. How do you sing? La plupart du temps, je chante depuis mon ventre. C'est d'où vient ma douleur. Les médecins, chaque fois que j'ai une endoscopie, ils trouvaient une irritation rouge dans mon estomac. Ça vient de la colère. Et des cris. Je veux dire, non seulement mon estomac est enflammé, mais j'avais aussi une scoliose. Et le poids de la guitare a fait croître mon dos dans cette courbure. Du coup, j'ai tout le temps mal au dos. Je souffre de douleur et cela ajoute vraiment de la colère à notre musique. C'est vraiment le cas. Je suis un peu reconnaissant. On vient d'entendre la joie, l'allégresse et la bonne humeur de Kurt Cobain dès le matin. Donc pour commencer ce blockbuster spécial Nirvana, la question qui s'impose, c'est comment est né Nirvana ? Isabelle Shelley, d'où vient Nirvana ? Alors, comme la plupart des groupes, hein, on va dire peut-être 99,9% des groupes naissent au lycée avec des gars qui ont envie de faire de la musique. Kurt Cobain en l'occurrence et lycéen il vient d'Aberdeen dans l'état de Washington qui est une ville de bûcherons pas très sympathique, enfin c'est un peu une culture très virile. Lui c'est un petit gars blondinet un peu maigrichon. Au lycée, il est mis à l'écart parce que il fait pas partie des jocks, enfin des footballeurs, des fans de sport. Tout le monde le traite de pédé. Puis lui en joue un peu aussi parce que ça l'amuse de provoquer les crétins. Et lui s'est réfugié dans la musique depuis qu'il est petit, depuis que ses parents ont divorcé, qu'il a pas trop supporté ça. C'est un gros fan de pop, mais aussi de punk. Et il rencontre un gars qui s'appelle Chris Novoselic, et il vient lui dire, il faut qu'on fasse un groupe ensemble, parce que toi aussi, t'es passionné de musique. Et Chris Novoselic lui dit, on va attendre quand même un petit peu, on va attendre. Traîne un peu les pieds. Kurt Cobain a un premier groupe qui s'appelle Fecal Matter. Donc là, leçon d'anglais, matière fécale, ça donne tout de suite envie, c'est plaisant. C'est... Oui, Kurt Cobain a toujours une fascination pour les fluides. Oui, pour les fluides, l'anatomie, les squelettes, les écorchés. Puis les problèmes d'estomac, le transit, il y a une certaine liaison dans tout ça. Exactement. Peut-être qu'un régime sans gluten se serait imposé à un moment. Et il serait encore là pour nous en parler, ce serait bien. Mais en même temps, avec un régime sans gluten, on n'aurait pas une Nirvana. On sait pas. Ah ben ça nous emmène loin tout ça. Dans un univers parallèle. D'ores et déjà, c'est philosophique là. Au bout d'un moment, ils se mettent ensemble avec Chris Novoselic. Ils commencent à jouer de la musique donc au-dessus du salon de coiffure de la maman de Chris. Et là, ils commencent à changer de batteur parce qu'ils trouvent pas le bon batteur. À chaque fois, le batteur est là. C'est un peu comme dans Spinal Tap où les batteurs, là, ils finissent pas mal. Il y en a pas qui explosent ou qui prennent feu, mais c'est un petit peu compliqué et en fait... On ne sait pas, peut-être. Il y en a peut-être qui ont pris feu, on ne sait pas. Laurence Roman, ça a l'air d'avoir des dossiers. Vous connaissez des histoires de batteurs? Non, pas du tout, mais juste dans les batteurs disparus dont on n'a plus de nouvelles, qui sait, peut-être il y en a qui ont connu le triste sort des batteurs de Spinal Tap. Qui est une malédiction, qui est d'exploser, de combustion spontanée. Voilà, ouais, il reste qu'un petit tas de cendres sur le siège de batterie. C'est en plein concert, ça peut être, bah oui, mais ça, ça c'est, peut être embêtant. C'est Dedo qui peut nous en parler. Les batteurs explosifs, c'est un très bon film de Rob Reiner, si vous avez l'occasion de le voir, c'est très bien, ça raconte la vie d'un groupe fictif qui a effectivement certains déboires, dont les batteurs explosifs. Et on voit l'ascension du groupe. Et ce qui a été intéressant dans ce film, après on va revenir à Nirvana, c'est que le film était fictif et le groupe est devenu un vrai groupe et a plutôt bien marché à l'époque. Carrément, oui. Oui. Ils ont fait des concerts. Ils ont fait des concerts qui étaient très bien d'ailleurs, ça jouait beaucoup et le film est très très drôle. C'est un des premiers biopics documentary dans l'absolu et c'est vraiment vraiment. 1984. Essayons de détourner l'émission. On a détourné l'émission. Non, mais c'est non, totalement, à voir, c'est à voir absolument pour tout fan de rock, Spinal Tap. Et donc, quel est le premier batteur qui a réussi à tenir un peu plus longtemps que. Voilà, c'est Dave Grohl. Dave Grohl, quand il le rencontre, c'est. Lui c'est, a pas déjà Chad, c'est pas Chad Channing. Oui, il a joué sur le premier album. Bah, quand même. Oui, mais enfin, le premier album. Pour moi, le batteur emblématique, je pense que tout le monde pensera que le batteur emblématique de Nirvana, c'est Dave Grohl, oui. Qui en plus a assuré après la continuité, a encore, enfin, continué à jouer des morceaux, etc. Enfin, il a avec eu une aura Fighters. Particulière. Et puis qui est ce gars en plus qui est magique. On l'a vu dans n'importe quel documentaire. Il est juste formidable, c'est un très bon client, il a 12 000 anecdotes et il joue avec tout le monde. Donc pour moi, c'est un peu le batteur emblématique du groupe. Laurent Tremance ? Si je puis me permettre, au crédit des batteurs ayant précédé Dave Grohl, Kurt Cobain avait déjà on va appeler ça un jeu de scène, consistant à se jeter peut-être la première partout, notamment dans la batterie. Et donc, ne faites pas ça à la maison. Ça a pu aussi contrarier certains types qui avaient bossé 6 mois pour se payer leur kit. Voilà. Notamment, un jour, Kurt Cobain était également rodi des Melvins, au début, alors quand Nirvana était très peu connu. Et un jour, bon, ils n'avaient pas de batteur, c'était entre deux batteurs, et c'est le batteur des Melvins qui a assuré leur concert pour Nirvana, qui s'est mis à la batterie pour un concert de Nirvana, sauf que le batteur des Melvins est allé voir Kurt Cobain et lui a dit « Si tu me fais le même coup que les autres, je te jure que je te pète la gueule et que ça va se passer très très mal, donc tu ne sautes pas sur ma batterie. » C'est tout ce que je voulais dire, c'est au crédit des batteurs. Non mais en plus, il leur a bousillé leur batterie, après les vire. Mais tout, c'est très intéressant parce que il y a quand même eu des moments de vache maigre dans la carrière de Nirvana, ce qui ne les empêchait absolument pas de continuer à casser des guitares, à casser. Donc il y avait une forme de manque de pragmatisme terrible. Oui, qui est tout à fait représentatif du groupe. Ils en avaient absolument rien à foutre, mais c'est à l'image de Kurt Cobain. Je pense que il était dans cette ambiguïté totale et ce paradoxe de vouloir du succès à tout prix et une fois qu'il l'a eu de pas pouvoir le supporter parce que cette mise en avant perpétuelle l'a encore plus détruit. C'est pas la personne la plus joyeuse du monde à la base déjà, donc le fait de se sentir devenir une sorte de produit de consommation par le biais d'MTV qui a totalement explosé Il y avait ce côté, effectivement, il y avait ce paradoxe, mais c'était pas que qu'il gênait d'être un produit de consommation. Ce qu'il gênait, c'est que tout d'un coup, il s'est senti, lui, ce qu'il supportait pas, et c'est dans les notes de pochette du dernier album studio de Nirvana, les notes de pochette d'In Utero, où il dit, si vous êtes raciste, si vous êtes sexiste, si vous êtes homophobe, si vous êtes antisémite, n'achetez pas ce disque. Vous méritez pas d'écouter ma musique. Lui, en fait, ce qu'il supportait pas, c'est que, ces mecs qui lui avaient pourri la vie en l'insultant, en le malmenant, en le harcelant au collège et au lycée, tout d'un coup devenaient ses fans absolus et adoraient et venaient slammer dans les stades en le voyant. Et lui, pour ça, c'était quelque chose qu'il aimait pas. Après, oui, c'était pas la personne la plus simple du monde à comprendre. Non, c'est sûr. Mais la Ritaline n'a pas aidé non plus, d'ailleurs. On va continuer de parler de Nirvana, mais pour le moment, on va les écouter avec Smells Like Teen Spirit. Jamais entendu. Ça a l'air bien, ce morceau. J'en profite pour dire que cette émission est réalisée, comme toujours, par Céline Hila, à la programmation musicale Muriel Pérez. Jeanne Paravert, Sarah Masson et Hugo Combe ont préparé cette émission, aidés par Tom Malky et à la technique aujourd'hui, Pierre-Yves de Rolin et Rémi Sistiaga. Yeah. C'était Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Blockbuster, Frédéric Sigrist. I am your father. Sur France Inter. Alors, je rappelle que vous pouvez, durant tout cet été, via notre répondeur, nous laisser un message sur le sujet du jour ou les sujets à venir. Voilà, faites-nous part d'anecdotes, de suggestions au 01 56 40 30 20. Et nous sommes toujours avec les journalistes Isabelle Chellet et Laurence Romance, l'humoriste Dedo et le rappeur l'UJPK, pour parler de Nirvana. Et d'ailleurs, là, je me tourne vers l'UJPK, parce que dans le rap, on pense pas forcément à Nirvana comme influence majeure. Donc, l'UJPK, comment avez-vous découvert Nirvana ? Je crois que j'ai dû découvrir à l'âge de 12 ans. Moi, je suis né en 95, donc en fait, j'ai pas vécu le moment vraiment. Je l'ai découvert plus tard. Donc, comme je dis, à 12 ans, je devais être en 5e. Et si je me souviens bien, c'était avec le morceau Poly qui m'avait marqué, parce que c'est un morceau très très doux. Voilà. Et c'est bien fait, hein. Ouais, incroyable. Ouais, il y a une production. Pas du tout. Il y a des moyens. J'ai pas dit que j'allais même dropper ça. C'est pas à la radio. Ouais. Ok, du coup, ouais, c'est un morceau très doux, un genre de balade. Je parlais pas anglais du tout à l'époque, donc on peut penser à une musique très tranquille. Et en fait, quand on gratte, il se met à la place d'un tueur en série qui séquestre une fille après un concert de punk et qui la torture, quoi. Et du coup, je trouvais ça super fort à cette époque. Enfin, en fait, ça m'a marqué. Je suis allé moi-même chercher la traduction des paroles et comprendre l'envers du décor de ce morceau. Alors là, je vais jouer le rôle de l'animateur extrêmement consensuel, en rappelant quand même que Kurt Cobain était très très engagé au niveau féministe et que c'était une dénonciation. Oui, voilà, justement. Il n'y avait pas une idée de cautionner ce genre de discours, parce que là, je sais qu'il y avait déjà une pile de mails qui étaient en train de s'amonceler. Non, mais c'est plus que c'est un débat qui est aussi revenu dans le rap aussi. C'est une façon d'écrire. Qui est celle de se mettre à la place, quoi, de changer sa vision, et il l'avait très bien fait dans ce morceau, et ouais, ça a été celui-là. Et puis ensuite j'ai tout écouté. Quand j'ai commencé à jouer un peu de guitare, c'est les morceaux les plus faciles à apprendre et les plus stylés directement, donc ouais c'est ça. Et puis après, dans ma musique, j'ai toujours essayé d'amener une patte rock, parce que j'ai pas la plus grosse culture rock qui soit, mais c'est quand même un style qui me parle. Et je pense que le rap était perçu, quand moi j'étais jeune, comme le rock l'a été, dans ce côté un peu subversif, et ça, moi j'aime bien, enfin, déjà l'instrument qui est la guitare, je le mets dans tous mes morceaux, et voilà, j'aime bien l'état d'esprit, et particulièrement celui de Nirvana. Et d'ailleurs, la rage ou la colère qu'on peut ressentir dans les textes de Kurt Cobain, c'est une rage qu'on peut retrouver énormément dans le rap, mais même aussi chez quelqu'un, un chanteur plus classique comme Jacques Brel. Ouais. Et est-ce que finalement, cette colère-là, c'est pas un ingrédient tout simplement comme un autre qui aide à structurer sa musique? C'est le spleen, et moi je pense que les morceaux les plus tristes, les plus forts, les plus personnels, c'est les meilleurs morceaux, plus que les morceaux joyeux qu'ont sans doute souvent moins d'âme aussi. Et du coup, c'est les écorchés vifs qui font la meilleure musique. C'est ça, et lui, le spleen. Ouais, c'est le spleen, ça. Ouais, ça, c'est comme bon. Ça que ça, je sais pas, ouais, ça. Oui, c'est ce moment où on a l'impression que le monde entier nous en veut, et on est tout seul, quoi. Et lui, ouais, rien que ça dégaine le laisser comprendre. En fait, c'est tout un... Enfin, c'est ça, tout le génie vient du personnage aussi. Et c'est aussi la force de ce groupe, c'est justement que le Nirvana a réussi à toucher au-delà du genre musical, c'est-à-dire que ça peut plaire à n'importe qui, à des rappeurs ou des gens qui sont pas forcément fédérés sur ce genre. Moi, j'ai une anecdote par rapport à ça. Au lycée, j'avais un pote qui était fan hardcore de reggae, qui détestait le rock, et qui un jour m'a dit, au sommet de la popularité de Nirvana, c'est pas mal Nirvana. Et il a retenu le nom du groupe, déjà. C'était déjà assez fou, quoi. Il a pas dit, c'est pas mal le groupe où il y a le blond sale qui crie juste. Il a dit vraiment, c'est bien Nirvana. On se rend pas compte de la puissance de ce que ça peut être quand ça traverse les musiques. C'est comme si Eric Zemmour avait dit Jamel, il est pas mal cet arabe. Oui. C'est notable. Vraiment notable. J'ai la même anecdote avec son journal, que j'ai traduit. Et que j'ai fait lire, il s'est trouvé que des gens qui ne connaissaient même pas Nirvana, des gens d'une autre génération, d'une autre planète, d'une autre, l'ont lu comme s'ils avaient lu Les Souffrances du jeune Werther de Goethe, ou L'Attrape-cœur de J.D. Salinger, qui m'ont dit c'est un super bouquin. Il est dur à lire. Je suis fan de ce bouquin, oui. Alors que la moitié des références, ça pouvait rien leur dire. Ouais. Donc, voilà. Mais moi, j'ai, je sais que sur le même ordre d'idée de cette souffrance, Nirvana a aussi marqué une grande souffrance, mais non pas par ce que je ressentais à ce moment-là, mais par ce qu'on me faisait ressentir. Parce que quand Nirvana, au plus fort de son succès, est apparu, moi, j'étais avec une amie qui était plus vieille et qui était vraiment, vraiment dans ce trip-là d'écouter Nirvana tout le temps. Et moi, j'étais sur les New Kids on the Block. Et en fait, elle était plus costaud que moi et elle me tapait, mais vraiment violemment, à chaque fois que je mettais les New Kids. Est-ce que quand elle te tapait, tu faisais oh, oh, oh, oh, oh? Oui, oui. Arise, tough. Etc. Pour pouvoir enlever les cassettes, parce que c'était des cassettes, et mettre Nirvana à la place. Ça, c'est de la musique. Tout. Et c'est comme ça que ma rencontre avec Nirvana a été vraiment très physique. J'ai compris qu'il fallait que j'arrête avec les New Kids on the Block et que je passe à Nirvana. Donc moi aussi, j'ai beaucoup souffert. Elle t'a sauvé et elle a eu beaucoup de patience. Mais quelque part, on remercie cette personne, du coup. Oui, elle s'appelait Karen. Elle s'appelle toujours Karen. Merci Karen. Merci Karen. Et Dedo, la rencontre avec Nirvana, ça s'est passé comment? Bon, un peu comme tout le monde, quand Nevermind a vraiment commencé à passer non-stop sur les ondes, et avec le morceau Smell Like Teen Spirit, hein, on ne pouvait pas faire autrement, ça passait absolument tout le temps à la radio. On n'avait pas forcément MTV en France, mais je me souviens qu'on connaissait la popularité du groupe un peu partout. Et j'ai eu vraiment une histoire terrible avec Nirvana, c'est-à-dire que en 94, il passait au Zénith en février. 14 février ou 15? 94, je crois. Bah 15, oui, oui, ça serait. Non, mais le 14 ou le 15, j'allais dire. Ah, pour oui. La Saint-Valentin. Ouah, t'es tellement précise. Oui. Mais je sais, j'ai filmé pour mon émission. Et il pleuvait. Rock Express. Il pleuvait. Rock Express. Je dis en passant Metal Express. Rock Express m'ont beaucoup bercé. Ouais, c'est les deux. Et donc, février, moi, j'avais. Quand t'as 15 piges, t'as pas forcément le budget pour. Et je me suis dit, bah, c'est pas grave, j'irai la prochaine fois, quoi. Et deux mois plus tard, je me suis dit que maintenant, j'irai tout le temps voir des concerts, quoi qu'il arrive. Bah non. Bah 15 piges, c'est dur. Et c'était le dernier. Enfin, en tout cas en France. Le dernier en France, oui. Bon, alors là, après une anecdote aussi triste qui effectivement m'a mis dans un état de spleen. On va écouter. On va faire une petite parenthèse parce que il y a Nirvana, mais il y a aussi la playlist France Inter. Et on va écouter Bertrand Belin avec Glisser, redresser, histoire d'assumer ce spleen. Madame, monsieur. J'ai glissé, madame, monsieur, j'ai glissé. On annonce un été de canadaire, de ciel embrasé de canadaire. Madame, monsieur, j'ai glissé. Madame, monsieur, j'ai glissé dans la diagonale, sioux, dans la boue, dans la lune, Dieu des hiboux, dans la rose blanche de Corfou, dans la tombe marine de Borbou, j'ai glissé dans la musique d'os des sous. Dans un trou, dans une pente chaude, qu'importe où. Dans le ramdam d'une tour, dans la gueule d'ange d'un loup. J'ai glissé dans la fraîcheur de l'aube à mon cou. Bout à bout, bout à bout, bout à bout. J'ai glissé. Je n'ai plus de paix, de paix, de pays. Me donner du pain, m'en faire don. Madame, monsieur. Dans la tombe marine de Porbou, dans la rose blanche de Corfou, fin du sable sale, fin des tessons, fin de ma fin d'animal, fin de maudire les saisons. Madame, monsieur, je me suis redressé. On annonce un été de Canada. Glisser, redresser de Bertrand Belin sur France Inter, bien évidemment, mais aussi dans Blockbuster. Isabelle Chelley, qu'est-ce qui définit la musique et les textes de Kurt Cobain? Comment on pourrait décrire ça à quelqu'un qui ne connaîtrait pas? Alors déjà, on va... Si on veut définir le grunge, déjà, c'est cette espèce de... Alors, c'est une étiquette qui a été mise par des journalistes, et donc, comme toutes les étiquettes, aucun groupe n'en veut, et je peux comprendre. En fait, c'est une alternance de quiet, loud, quiet, donc des couplets calmes, des gros refrains qui explosent à la tronche. C'est un mélange de métal, de punk, parce qu'ils viennent tous de ce genre de choses. Et dans le cas de Kurt Cobain, il y a une énorme sensibilité pop, parce que c'est un fan à la base, quand il est petit, il grandit avec les disques des Beatles de sa tante, je crois, ou sa mère. On voit de très belles photos dans des bouquins où il est dans la Kiss Army, donc les fans de Kiss, quand il a 7-8 ans, comme plein de petits garçons américains. Donc il a une grosse sensibilité pop. Et après, ses textes à lui... parle un peu de tous les thèmes de l'adolescent chétif, mal dans sa peau avec de l'acné, c'est-à-dire que y a le dégoût de soi, il y a la douleur, le pas bien, la déprime. Mais il y a aussi parfois des espèces de traits d'humour, parce que tout le monde a parlé de cette chanson qu'il avait écrite un petit peu avant son suicide, qui s'appelle I Hate Myself and I Want to Die, donc je me déteste et je veux mourir. Et tout le monde a été interprété ça. En fait, il l'a donné au dessin animé qui était hyper connu à l'époque, qui s'appelait Beavis et Butthead, et qui parlait de deux adolescents fans de métal. Et donc, faut pas prendre tous les textes de Kurt Cobain au premier degré. Il y a beaucoup de choses où il joue aussi sur la... on va dire que par moment, il fait un peu son intéressant, il fait un peu son ado écorché. C'est un truc qui lui va très très bien. Il y a des similitudes avec, par exemple, ce qu'on peut retrouver dans un autre genre musical, mais Eminem, dans la construction d'un personnage comme ça, qui répond ou... Il y a beaucoup de dérision, il y a du cynisme aussi. Ils avaient compris aussi que leur mélancolie, elle plaisait aussi. Donc, je pense que comme tu parles de pop, il y avait une vraie maîtrise de l'image, en fait, derrière tout ça. Et que ça devenait l'icône... dépressif. En ouverture du deuxième album, enfin c'est pas le deuxième en fait, c'est le troisième, mais en ouverture du dernier album, In Utero, il y a cette phrase, Teenage angst has paid off well, now I'm bored and old, qu'on pourrait traduire par, raconter mes tourments d'adolescence a payé. Vous inquiétez pas, logiquement il y a une correction de l'anglais pratiquée dans cette émission, mais voilà, après, l'accent merdique. Après, sur le répondeur, donc maintenant, vous pouvez vous permettre tout ce que vous voulez. Et donc là, il y a une espèce de dérision réellement. Bon, il y a des trucs qui veulent tout simplement rien dire, où il était simplement très très calé pour mettre des trucs qui sonnaient bien. My libido, choses comme ça. C'est du collage, c'est du cut-up. Il écrivait aussi beaucoup de paroles en studio au moment d'enregistrer. Entertainers, voilà. Ça, c'est de la dérision aussi. Alors, Nirvana n'a jamais été un groupe consensuel, et vous imaginez aisément qu'avec des textes et un style tel que le leur, eh ben Nirvana, il y a des gens aussi qui n'aiment pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Nirvana n'était sûrement pas le groupe le plus évident au départ. Je vois, quand on écoute le premier album du groupe, bon, il y a des choses sympathiques, mais enfin, on a du mal à imaginer que le second album se vendra à 10 millions d'exemplaires à travers le monde. L'explosion Nirvana, ouais, c'est une mode. Et ils ont justement appelé ça un mouvement, mais il faut savoir exactement ce que ça signifie, un mouvement, quoi. Une année, c'est le rap, une année, c'est le grunge, l'année prochaine, il y a eu la techno aussi. C'est des mouvements, des modes. Moi, des mouvements, je pourrais t'en parler, et qui sont deux fois plus intéressants et deux fois plus carton que ce qu'on appelle le mouvement grunge, et qui pour nous ne signifie pas grand-chose, quoi. Il y a peut-être des grunge très propres, mais en tous les cas, le mot grunge comme signification, ça veut dire crasseux. Ouais, ça veut dire sale, crade, pied crasseux, ça veut dire, je crois. La mode du sale, du faussement fauché et du lait ne laissera, à mon avis, aucun regret dans les annales. Vous avez les poux en promotion gratuite cette semaine. Non, mais non, mais je veux dire... Ça prend du temps à avoir l'air de rien, hein. Et maintenant, c'est fou ce que c'est difficile d'avoir l'air fauché quand on l'est pas. Bon, alors on l'a entendu, Nirvana, ça, franchement, ça va pas durer. Hein. Alors on rappelle quand même que Nevermind a vendu plus de 30 millions d'albums. Non mais ce montage est un petit peu... un petit malhonnête peu... Ouais, à charge. Ouais, ça mélange le grunge qui est dans la tête des gens, c'est la mode, etc. Les jeans troués que t'achètes à 300 balles. Et c'est tout. Les boomers de l'époque. Et le groupe Nirvana, qui est bel et bien resté au-delà du grunge, en deçà, tout, puisque c'était une combinaison assez parfaite entre le métal de Black Sabbath et les Beatles, comme l'a dit Isabelle. Exactement. Donc, bon, c'est assez évident, même si moi, c'est pas mon groupe préféré non plus, hein, je m'en tape, je réécoute pas. Mais c'est resté. Maintenant, le grunge, bah, ça faisait chier Nirvana en premier. Oui, oui. Et puis tous les groupes de Seattle, de toute façon, quoi. Moi, il m'a dit, lors de ce que je crois être une de ses dernières interviews, sinon la dernière filmée, il m'a dit, j'espère que plus tard, je pourrai être tout seul avec une guitare sèche quelque part, comme Johnny Cash, et puis qu'au moins, on me prendra au sérieux, qu'il y aura plus tout ce cirque grunge et tout, parce que là, vraiment, ça fatigue. Dave Grohl m'a même dit, Seattle, avant, c'était une ville propre. Maintenant, c'est dégueulasse. Il y a des couilleux. Tous les mecs de toute l'Amérique sont venus s'emménager ici pour être signés par les maisons de disques qui signent tout ce qui bouge, au cas où ce serait grunge. Ils en avaient tous, mais par-dessus la tête du grunge. Oui, d'ailleurs, il y avait même l'espoir, quand ils ont sorti leur troisième album, d'avoir un succès un petit peu moins important pour être peinard. Hmm. Donc c'est quand même rare de voir des artistes qui disent « Ah, j'espère que ça va pas marcher ». Mais ça, c'est l'histoire perso de Kurt Cobain, qui est, comme l'ont dit Dedo et Isabelle, un gars, au fond, c'est l'histoire d'un gars qui a jamais vraiment, qui a toujours été dépressif, qui a jamais vraiment aimé la vie, qui a cru que le succès réglerait ses problèmes. Et il a vu que non, ça réglerait pas ce problème. Donc on dit, on accuse la presse, les drogues, les machins et tout, etc. Bon, c'est un peu tout ça, ou c'est rien de tout ça. C'est surtout, c'est un type qui est dépressif, qui au plus haut de sa gloire, confié à son premier biographe officiel, Michael Hazard, que ce dont il avait envie, c'était de dormir 23 heures sur 24, et on le réveille pour le show, on l'amène, genre en fauteuil roulant. Il chante, il joue de la gratte pendant 1h, 1h30, et après, on le remet dans son coma. Bon, voilà, le mec, ça, c'est au moment de... C'est après Nevermind, hein, c'est avec les millions de dollars et tout, etc. Donc, effectivement, c'est pas le mec plein de joie de vivre. Mais il n'avait pas non plus une personnalité facile. Il y a eu des rapports conflictuels aussi avec les autres membres. Il va être extrêmement pénible, mais imagine avec les autres. Imaginons avec les autres de vouloir splitter pour un oui, pour un non, de se plaindre non-stop de ces soi-disant maux d'estomac qui lui donnent l'obligation presque de prendre de l'héroïne parce qu'il n'y a que ça qui marche pour les soulager. Thérapeutique. Il doit être réellement pénible. Et les autres lui disent, mais attends, mais là, il y a des millions de dollars en jeu. Tu fais pas la date ce soir. Le type pendant la balance qui dit, je vais faire un tour. Ils savent très bien qu'il est parti chercher de la drogue. Et après, ils savent pas s'il va revenir à l'heure, quoi. Oui, puis il a quand même été suffisamment concret pour demander quand même 75% des droits 85. D'auteur. 85%. Rétroactivement, des royalties. Ouais, ben ça, c'est, on peut soupçonner un peu l'influence de Courtney là-dedans. Mais justement, Courtney Love. Encore une des contradictions de Cobain, qui était bourré de contradictions. Le mec dit, je veux pas être une star. Mais quand son clip est plus en rotation heavy sur MTV, il téléphone. Pour dire, ça passe plus là, les mecs, qu'est-ce que vous faites et tout. Le type veut une vie discrète et tout, un peu comme Sonic Youth, enfin, un peu plus underground. Il se marie avec Courtney Love, bravo la discrétion. Donc, bon. Et puis bravo la bonne idée pour essayer d'arrêter la cam aussi. Hein. Oui, en plus, c'est pas le meilleur axe possible. En plus, oui. Et donc pour les 85%, oui, c'est ça, oui, c'est que bon, elle pouvait pas piffer Grohl. Lui a réussi quand même à imposer Grohl en disant mais c'est le meilleur batteur que j'ai jamais rencontré, je peux pas le larguer et tout, mais elle pouvait pas piffer Grohl. Mais au-delà de ça, elle lui a dit mais Kurt, t'écris tout, ce qui était vrai. Et donc bon bah eux ils avaient ces espèces de trucs de pas mal de groupes, pas tous, mais pas mal de groupes de règles punk, on va dire, dont on partage en quatre et tout, ouais. Enfin en trois, en l'occurrence. Équitable pour tout le monde. Ouais, voilà, ouais. Et lui, et bon, elle l'a convaincu de dire, demande les royalties, 85%, ils se partageront les 15% restants, et rétroactivement. Ouais. D'où les relations un peu tendues parfois entre Novoselic, les survivants de Nirvana, et Courtney Love. Parce que je n'ai pas pu trouver d'amis garçons avec qui je me sente compatible, j'ai fini par passer mon temps avec des filles. Et j'ai toujours senti qu'elles n'étaient pas traitées avec respect. D'autant plus que les femmes sont totalement opprimées. Je veux dire, les mots pute et salope étaient totalement communs. Bien que j'ai écouté Aerosmith et Led Zeppelin et que j'ai vraiment apprécié certaines des mélodies qu'ils avaient écrites, cela m'a pris quelques années pour réaliser qu'elles avaient souvent à voir avec le sexisme. Ils écrivaient juste sur leur bite et sur les rapports sexuels. Je commençais tout juste à comprendre ce qui me dérangeait tellement durant ces deux dernières années de lycée. Puis le punk rock est apparu, et alors tout s'est réuni. Tout a pris forme comme un puzzle. Rape me. Rape me. Rape me, rape me. Kurt Cobain, un homme de contradiction, et ensuite arrive le troisième album, In Utero, qui est quand même globalement la chose de Kurt Cobain, où il s'isole comme ça pour écrire, il travaille avec un producteur qu'il a choisi, etc. Il y a vraiment, il y a une sorte de scission qui ne dit pas son nom quand même entre les deux premiers albums et In Utero. Et qui n'a pas été résolu de plus, puisque oui, donc j'imagine que vous parlez de Steve Albini. Oui. Oui, qui est un producteur, disons, intransigeant, qui enregistre d'une certaine façon, avec des micros, avec un placement particulier, etc., très vite, et qui a fait pas mal de disques que Dedo va m'aider à en citer un ou deux. De Steve Albini, ouais, des disques que Kurt Cobain rêvait. Il a mixé beaucoup de chez Meudonnet, non? Ouais, du Pixies aussi, Pixies, non? Pas ouais. Du Pixies, voilà, ouais. Oui. Donc, effectivement, il est anti-commercial, donc c'est pour ça aussi que. Oui, il y avait une envie de retourner un son plus honnête, en fait. Brut, mais encore une fois, l'esprit de contradiction, c'est que quand la maison de disques Geffen Universal à l'époque a dit. Ça sonne un peu brut de décoffrage, là. Ils ont quand même fait remixer quelques titres par Scott Litt, le type qui a fait REM, entre autres, REM. D'ailleurs, sur le coffret Nirvana, il y a les deux versions, les versions Albini et les versions de Scott Litt. Donc, c'est toujours ce Kurt Cobain bourré de contradictions qui, depuis l'âge de 4 ans, faisait de la guitare imaginaire devant sa glace, en rêvant d'être rockstar, et qui a toujours dit qu'il n'avait jamais voulu l'être et que ça l'emmerdait. Alors, Isabelle Chelley, on voit que In Utero sort en 93 et très peu de mois ensuite, Kurt Cobain se donne la mort. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette dernière tournée promotionnelle qui a pu l'amener à ça? Alors, il y a toujours cette fameuse histoire qu'il prend de l'héroïne, qu'il a arrêté de prendre de l'héroïne, qu'il en reprend. Il y a l'histoire aussi qui est assez terrible, parce que donc il se marie avec Courtney Love, ils ont un bébé, et à ce moment-là il y a le magazine américain Vanity Fair, qui est un magazine du groupe Condé Nast, très très chic, qui s'intéresse à eux, qui vient faire un article sur eux. La journaliste vient et Courtney Love explique que quand elle était enceinte, elle dit « Je me suis arrêtée de prendre de l'héroïne d'un coup quand j'ai su que j'étais enceinte ». L'article sort et Et naturellement, tout le monde est scandalisé de se dire mais cette femme a été peut-être été enceinte après de l'héroïne. Donc c'est une espèce. Il faut savoir que c'est bien avant les réseaux sociaux où il y a pas là, il y a pas le tribunal populaire. Il y a juste la presse. Tout le monde leur tombe dessus. Tout d'un coup, leur vie devient un enfer et les services sociaux commencent à leur dire qu'on va peut-être retirer leur fille. Du moins, elle est mise sous une espèce de tutelle. Et elle a été retirée de la garde. Et donc pour eux, c'est terrible. Lui, il prend ça très très mal, ce qu'on peut comprendre parce que voilà. On lui a retiré la garde. On l'aura retiré, je crois, deux trois semaines. Trois semaines, voilà. Et après ça, lui était tellement furieux qu'il appelait cette journaliste pour l'insulter. Il y a des messages. Elle a passé un message. Elle a carrément demandé un restraining order, enfin un acte de, je sais plus, un truc d'éloignement. Je sais plus comment ça s'appelle en français. Hirschberg, pardon. Oui, voilà. D'accord. Parce qu'elle était très très bonne journaliste, excellente journaliste. Elle était persécutée par les Coben qui l'appelaient en hurlant. Enfin voilà. Bon, ils avaient. C'est juste Courtenay qui a parlé. Et lui, par sa gueule, comme d'hab. En tournée là-dessus, retombe dans la drogue parce que justement, ces fameux problèmes d'estomac qui ont très bon dos quand même. Oui. Je pense pas qu'il en ait été sorti. Et donc, pour l'avoir vu, c'était là. Arrive un concert, je crois qu'ils sont à Rome, ou c'est ça, ils font une pause à Rome. Courtney Love le rejoint et lui, elle le retrouve le matin. Il a fait une overdose de Rohypnol et de champagne. Il est emmené à l'hôpital. À l'époque, on ne sait pas trop s'il va survivre. Le reste de la tournée est annulé là-dessus parce que où il y a des concerts qui restent, mais enfin c'est en dents de scie, c'est une catastrophe. Et quand il rentre en fait à Seattle, il y a une intervention qui est un truc très américain où tous vos meilleurs amis viennent et te disent. Kurt, là, mon gars, oui. Tu fais de la merde. Mmh. Et j'ai vu ça dans des avec séries. Avec menace, voilà. Si tu n'arrêtes pas la drogue, t'as plus de groupe, t'as plus de femme, t'as plus d'enfants, enfin voilà, t'es tout seul, tu serais abandonné. Et lui part dans un centre de désintoxication où d'autres copains à lui, dont Gabby Haynes de Bottle Surfers, étaient allés. Et puis il est resté 3 jours. Et cet imbécile s'est parti en faisant le mur alors qu'on pouvait facilement prendre passer par la porte. Tout bêtement. Oui, mais pourquoi faire ça? Quand on s'échappe, quand t'es en détox, Laurence, tu fais comme on peut. Hein. Quand on s'échappe, Laurence, on ne passe pas par la porte. Non, mais il me fait rire. J'adore Kurt Cobain, mais c'est genre les mecs lui ont dit mais pourquoi tu t'emmerdes à faire le mur? La porte est ouverte, c'est un truc libre, quoi. Oui, puis quelques jours après, il y a un. Il reprend l'avion pour Seattle avec Duff McKagan. Oui. Discute avec Duff et tout, qui est pas Duff McKagan de Guns N' Roses, le plus équilibré en termes de médication non plus. Non plus, exact, oui. Mais des gros problèmes gastriques aussi. Aussi, mais c'est le problème dans le rock, les problèmes gastriques. Oui. Je peux rajouter à ce qu'a dit mon excellent collègue Isabelle Chélé, que en ce qui concerne Rome, c'était déjà une tentative de suicide. Oui, Courtney l'a dit. Non, mais bon, il y a un mot, il y a une note de suicide qui existe. Parce qu'à l'époque, c'est passé pour un accident. C'est lui qui l'a rejoint, elle, à Rome. Et non pas le contraire, mais bon, peu importe ça. Et donc, les retrouvailles n'ont pas été aussi joyeuses que prévu, oui. Donc, il s'est avalé 50 Rohypnol avec du champagne. Il a laissé une note de suicide, ce que Courtney s'est bien gardé de dire. Voilà. Et c'est important, pas pour l'anecdote, mais parce que Chris Novoselic a dit ensuite, après ce lavage d'estomac-là, il n'en était pas à sa première. Hein. Il n'a plus jamais été le même quand il est revenu à Seattle après, puisque la tournée s'est arrêtée là. Il avait quelque chose de... De cassé, quoi. Oui, il avait quelque chose qui était vraiment... il était un peu gaga, un peu de... Donc c'est pour ça que je me permets d'insister là-dessus. Sur l'après-Rome, ce n'était plus le même. Alors, l'heure tourne et dans quelques instants, on va jouer avec un auditeur. Mais pour le moment, on écoute Nirvana qui reprend David Bowie avec un extrait de l'Unplugged, The Man Who Sold the World. Enfin, l'homme qui vend le monde, voilà. C'est de l'anglais, hein, voilà. J'ai fait comme je pouvais. C'est bien, t'es le seul mec qui a un accent encore pire que le mien. Merci. Merci. Upon the stair, spoken was well, although I wasn't there, said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes, I thought you died. L'homme qui a vendu le monde, une reprise débranchée de Kurt Cobain et de David Bowie. Et maintenant, on joue! Blockbuster, Frédéric Sigrist, sur France Inter. Et aujourd'hui, on a Antonio Rodriguez au téléphone. Bonjour Antonio. Bonjour à tous. Voilà, je suis très content parce que Antonio, tout le monde dit bonjour, tout le monde. Et en plus, Antonio, c'est facile à dire, c'est pas de l'anglais. Alors, vous allez devoir répondre à trois questions en 25 secondes chrono. Si vous ne pouvez pas répondre, il n'y a pas de problème. Vous avez droit à un joker qui vous permettra d'être aidé par l'invité de votre choix. C'est parti. Comment s'appelle le premier groupe de Kurt Cobain ? Ah, il n'y a pas de proposition. Non, c'est une question ouverte. Ça a été dit au début. Vous pouvez répéter, Antonio ? Fécalmateur. Bonne réponse ! Bien ! Bonne réponse, très très bien. Tout se passe bien. Question suivante. Il y a du level dans le jeu. Nevermind de Nirvana s'est vendu à plus de 10 millions d'albums, 55 millions d'albums, 30 millions d'albums. Alors là, moi je suis pas spécialiste sur les chiffres. On peut peut-être demander de l'aide... De l'aide à quelqu'un, aux neurodames. Elles font non de la tête, elles font. Non, non. On l'a dit tout à l'heure en plus. Ah, l'UJPK a l'air d'avoir eu la réponse. On devrait le consulter. On lui demande. Alors, honneur aux messieurs. J'espère que j'ai pas merdé, mais redis-moi les trois. Alors, plus de 10 millions, 55 millions ou 30 millions d'albums. Plus de. Oui. Moi je dirais la C. Plus de 30 millions d'albums. C'est une bonne réponse. Et merci. Oh, merci l'UJPK. Et enfin, qui interprète cette reprise de Smells Like Teen Spirit ? Build up on guns. Bring your friends. It's fun to lose and to pretend she's overboard. Ah, c'est dur, là. Hein. Alors, je sais que Toriyamos l'a reprise plusieurs fois. Oui, mais n'allez pas là-dessus, non. Non. Non. C'est, je suis bonne patte. Mais quand même. Est-ce que ça commence par un M, son prénom ? Ah, moi, je dirais aussi. Ah, M. C'est Non. L, par un L. P. P, plutôt P. Une bonne patte, on avait dit une bonne patte. Des bonnes pattes. Oui, ouais. On vous a absolument pas aidé. C'est incroyable, ça, quel retournement. C'est sorti de ton cerveau comme ça. Eh bien, Antonio, vous avez gagné un exemplaire du jeu de société Blockbuster qui sortira au mois d'octobre. Un partenariat des éditions Radio France et Marabout. Voilà, Antonio. Ah ben, je suis super content. Eh ben, merci à vous. Merci d'avoir participé. Merci à vous, au revoir. Bonne continuation. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous et à toutes. Une fois de plus, on a effleuré le sujet de Kurt Cobain, mais j'espère qu'on a donné aux gens l'envie de réécouter ses albums. Comme toujours, si vous le désirez, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou sur la page Facebook de l'émission. Il y a également Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. Tu sais, je me sentais si différent et si fou. Les gens me laissaient seul. J'ai toujours senti qu'ils me jugeaient comme quelqu'un de très susceptible de tuer tout le monde au bal du lycée, tu vois. On se retrouve demain pour parler d'un des jouets les plus connus au monde et les plus vendus, la poupée Barbie. Mais dans quelques instants, vous allez retrouver le Mac de l'été avec Anna Sigalevitch. Bonjour Anna. Bonjour Frédéric, bonjour. Tout va bien ? Alors ce mardi, où est-ce que vous nous emmenez ? Ah, oh, écoutez, là, je dois vous dire que c'est assez paradisiaque. On est, je sais pas si vous entendez des cigales, mais si, on est installé dans la calanque de Sormioux au restaurant du château. Et on sera avec, surtout, hein, le plus important, avec l'auteur de science-fiction, Alain Damasio. Oh là là là là, vous savez que moi, à midi, j'ai été à la cantine de Radio France. Oui, mais j'y reviendrai aussi. Hein. Voilà. Ok. Chacun son tour. À demain, Anna. À demain, Frédéric.